那番子也来了， 我宁可用那夜色里的那寂静一阿弥在那为我山里也走进那房间吧 Lakana mi dite le mori, bato a mokili bako tambola e. Inani yo change mama oho, lo bati na yo kokende. Mwana ya mama, tale siko me mikai. O tiki na ne sanga, na kore na ne na, na ne yo kaka sama wafene. Sema ya kano ya poli kofene. Na bola ko tikita, ami ban manda na pinto di bibie. Joli tango e koleka na kopi te bibo. Na kimi na umba, kana bangi monyo kwe. Na baba sio tikita, ami ban zanga na tinto di bibie. Na toto tango duma kana kopi te bibo. Na kimi na umba, bona limwa mutu. Nalimi bambasi, aminanga bandeko Ika bango baseke, babungi lelo Olingo zambe atinda, namite maya bato Nanoti onanga moye bade Londete zika bobo iko Bobe baka ina zangwe koni nisobo kiri Ote silo bongo boligo keye Yango e kalina ino e belame Talape o kanisa mwa moke Atana mo pobre to vivre Upo inka mo mola ya mawake Nalani o polanda obe Na mote ma pota e doki Aminga na mpasi ya boye Mama oho, okunika na bomoi, mama yaka, okunika na motema na kufite, yosundo lika bebe na yoya moke, kana nuya kola oho, bongo yo pepe mama, sera na nuya kola oho, kande salina motema oho, salina motema oho, rabie ye, Nanu aye mama kambo bongo yo kende ida aye Je t'aime, comme un enfant sur les bancs Je te chante ma tristesse comme un oiseau près des eaux Ah bébé, espoir et combien de désespoir La violence fondada se va Adieu petit chéri, pardon Adieu petit chéri, mon amour Adieu petit chéri, mon amour Adieu petit chéri, quand est-ce que l'amour divine Adieu petit chéri, quand est-ce que l'amour divine Adieu petit chéri, quand est-ce que l'amour divine Adieu petit chéri, quand est-ce que l'amour divine Adieu petit chéri, quand est-ce que l'amour divine Adieu petit chéri, quand est-ce que l'amour divine balanti yo Alabas man, rasta man.